Juliette a été cette nuit tantôt plongée dans une somnolence profonde, tantôt très agitée. Vers les 3 heures du matin, je me suis levée pour remplacer Honorine et veiller notre fille. Elle a retrouvé une lueur de connaissance, car elle m'a serré faiblement la main en me disant « Maman ». Depuis 2 jours, c'est la première fois qu'elle m'a reconnue. Ce doit être un heureux symptôme. « Comment te trouves-tu, mon enfant ?» lui ai-je demandé. Elle m'a répondu par un long soupir. J'ai craint de l'agiter en lui parlant davantage, et je me suis assise auprès de son lit. À 7 heures, le médecin est venu. Il m'a dit, comme toujours, « L'état de l'enfant n'a pas empiré, mais il ne s'est pas amélioré. Jeudi, la crise se décidera. » Malgré l'obstination de mes espérances, cette réponse était loin de me tranquilliser. J'ai demandé au médecin s'il consentirait à appeler en consultation les 2 autres meilleurs docteurs d'Orléans. Il n'a fait à cela aucune objection. Seulement, il a ajouté « Si vous ne reculiez pas, madame, devant la dépense, je vous conseillerais plutôt de faire venir de Paris Monsieur Lefebvre, mon ancien professeur. Il est sans égal pour le traitement des maladies des enfants. Je lui écrirai ce matin même, et il pourrait être ici demain par le chemin de fer de midi. Mais je dois vous prévenir qu'il ne se dérange jamais de Paris à moins de 300 francs. » Ai-je besoin, mon ami, d'ajouter que je n'ai pas hésité un instant? Le médecin m'a promis que M. Lefebvre serait demain ici. J'ai cru pouvoir, quoiqu'à regret, m'absenter pendant quelques moments pour aller voir les enfants de M. Sylvain au dépôt de mendicité, me promettant au retour d'embrasser Albert à sa pension. J'ai laissé Honorine près de Juliette, et je me suis rendu chez le directeur du dépôt. Lorsqu'il a su l'intérêt que je portais à ces 2 malheureux orphelins, il les a fait venir. Je les ai trouvés moins abattus, moins effarés qu'ils ne l'étaient il y a quelques jours, mais profondément tristes. La sensibilité leur est tout à fait revenue. Marie surtout a beaucoup pleuré. Je les ai consolés de mon mieux, en les assurant qu'aujourd'hui même je t'écrirai et que leur père aurait ainsi de leurs nouvelles. Je leur ai laissé un peu d'argent, afin qu'ils puissent se procurer quelques petites douceurs. Au moment de quitter le dépôt, j'ai demandé au directeur si les enfants y resteraient. Il m'a répondu que non. Ils devaient, si quelqu'un de leurs parents ne les réclamait pas, être enfermés jusqu'à 18 ans dans une maison de correction destinée aux enfants vagabonds ou abandonnés. Une maison de correction ? Me suis-je écrié. Mais monsieur, ces orphelins sont innocents de toute mauvaise action. Il est vrai, madame, mais on ne saurait les envoyer ailleurs, et là du moins ils trouveront un asile. Tel est, mon ami, le sort réservé aux enfants de ton compagnon d'exil. En t'apprenant ceci, j'ai le cœur brisé. Mais que faire, mon Dieu, que faire ? Je suis allée ensuite à la pension d'Albert. Je l'ai embrassé avec un bonheur inexprimable. C'était pour moi un moment de repos délicieux au milieu de mes angoisses. Le maître de pension est très content d'Albert. « Vois-tu, maman, m'a-t-il dit en me reconduisant, je travaille de mon mieux, d'abord parce qu'en travaillant, cela m'étourdit sur mon chagrin d'avoir perdu ma grand-mère et de ne plus être avec vous. Et puis comme, depuis le départ de papa, nous sommes devenus trop pauvres pour que je reste longtemps à la pension, j'apprends le plus que je peux et de toutes mes forces. » Ce sont, mon ami, les paroles de ce cher enfant. Je l'ai rassuré sur le sort de Juliette, et je suis revenu à la maison. En passant dans la grande rue, j'ai rencontré ton ancien patron, M. Heurtier. « Eh bien, madame, m'a-t-il dit d'un ton triomphant, avais-je tort de répéter sans cesse à votre mari, ne vous mêlez pas de politique ? Il ne m'a pas écouté, et voyez ce qui lui arrive. » « Monsieur, lui ai-je répondu, pendant tout le temps que mon mari a tenu votre caisse, avez-vous été satisfait de lui ? « Sans doute. Et malheureusement, je ne pourrai jamais le remplacer, a-t-il repris d'un ton bourru. C'était l'intelligence et la probité en personne. Mais il avait la rage de se mêler de politique. Monsieur, chacun agit selon sa conscience. Mon mari, après avoir rempli ses devoirs envers vous, a rempli d'autres devoirs qu'il regardait comme sacrés. « Un devoir ? » s'est écrié M. Heurtier avec indignation. « Un devoir ? S'insurger contre l'autorité ? Allez, madame, votre mari n'a que ce qu'il mérite. Et je suis enchantée de cette occasion de vous déclarer que je suis l'un des plus chauds partisans du nouveau gouvernement. Que répondre à cela, mon ami? Hausser les épaules et passer son chemin. Ainsi ai-je fait, et je suis revenue en hâte à la maison, inquiète de savoir comment se trouvait Juliette. Lorsque je suis rentrée, Honorine posait des sinapismes à cette pauvre enfant. Ses jambes sont tellement amaigries et endolories par le fréquent usage de ce topique que nous ne savons plus en quelle partie le placer. Enfin, quoique Juliette se débattît, hélas, bien doucement, elle est si affaiblie, nous sommes parvenus à poser le sinapisme un peu au-dessous du genou. Elle a bientôt jeté quelques cris plaintifs. Ils me déchiraient et me rassuraient à la fois, car le médecin m'a souvent répété tant que l'étopique agissait, l'on pouvait conserver quelque espoir. En effet, après cette crise de douleurs aiguës, la torpeur somnolente de Juliette s'est un peu dissipée. Sa tête s'est dégagée. J'ai vu dans son regard qu'elle me reconnaissait, mais elle était si abattue qu'elle a pu à peine me faire un léger signe de tête. Il me faut, mon ami, fermer cette longue et triste lettre. Elle doit partir aujourd'hui, et voici bientôt midi, l'heure du courrier. Allons, ami, courage. Ne désespérons pas. Nous avons, hélas, perdu la meilleure des mères, mais il nous reste nos enfants. Ah, si du moins j'étais près de toi pour amortir par ma tendresse le coup affreux que cette lettre va te porter. Edmond, je t'en conjure, ne te laisse pas abattre. Songe à nous. Adieu, pauvre ami. Je t'embrasse de toutes les forces de mon âme. Louise. P.S. Demain, aussitôt après l'arrivée de M. Lefebvre de Paris, je t'écrirai le résultat de la consultation.